Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant hier dans la section entrevue de danazosport.com, on a parlé avec l'instructeur-chef des Castors de Dolbeau, Robin Bouliane. On sait que les Castors et les Marquis, c'est 1-1 dans la série. Et Robin Bouliane est quand même très, très content du rendement de son équipe. On va l'écouter là-dessus. C'est ça, avoir la victoire à Jonquière dans notre premier match. On avait bien joué, bien sorti. On a eu beaucoup de chance de marquer en deuxième période. On menait 1-0, ils ont égalisé 1-1. Puis on n'a pas été capable de faire le deuxième but qui aurait pu le faire mal. Puis c'est ça qu'ils ont carré en troisième période, qu'on n'a jamais été capable de marquer. Puis bon, le but d'un match hockey, c'est de carrer plus de buts que l'adversaire, puis on l'a pas fait. Donc, on a eu une défaite de 2-1. Et dans un deuxième temps, Robin Bouliane mentionne que les petits détails vont faire la différence dans cette série. Écoute, on est revenu ici là, à Dolbeau pour remporter le deuxième match. Donc, je pense que ça va jouer très serré. Donc, ça va être les petits détails qui vont faire la différence. Fait que, ça va être un jeu d'erreurs. Donc, moins on va faire d'erreurs, plus on va augmenter nos chances de gagner la partie. C'est de même qu'on va entreprendre les matchs suivants. Puis, tu sais, le hockey de série, c'est du hockey. Là. Oui, tu as le talent. Mais le talent s'est rendu secondaire, puis ça va jouer avec son cœur et ses tripes. C'est l'équipe qui va jouer le plus de cette façon-là qui va remporter la série. La série entre les Hurricanes de Massouillache et les Rapides de Boumsesni est menée par les Hurricanes 2-0. L'instructeur-chef des Rapides, Sébastien Godette, admet quand même que chez les Rapides, la défaite de vendredi 3-2 en fusillade a fait mal. Surtout que je peux dire qu'on avait... en général, dominer la rencontre, plus de chances de marquer de notre côté. On s'est fait voler un peu par les gardiens de but adverses. Fait que je m'attendais à une meilleure réponse le lendemain, par exemple. Je suis un peu déçu, mais pas abattu. Je te dirais qu'on va se retrousser les manches. Les petits gars ont toujours bien répondu. Fait que, écoute, on l'a échappé. La deuxième, vraiment, on n'était pas là. On a mal travaillé. Et dans un deuxième temps, Sébastien Godette mentionne qu'il faut ramener l'éthique de travail au rendez-vous. Ben, c'est sûr que cette semaine, on va avoir une pratique pour se remettre de tout ça. Effectivement, la seule chose qui a manqué, c'est l'éthique de travail lors du match de dimanche. Samedi, je n'avais rien à leur reprocher. Écoute, c'est allé de ce côté-là, mais c'est ça, on va travailler sur le moral. Je veux pas que les gars se découragent. Parce que, écoute, ça en prend trois pour gagner la série. Il y en a deux. Ben, c'est à nous autres maintenant à sortir ses manches puis aller en chercher une première là-bas. Puis après ça, ben, on revient chez nous. Fait que tout peut arriver après ça. On peut égaler la série. Puis c'est un peu ce que les gars vont avoir dans la tête. Compétition d'arc-à-poulie en fin de semaine à Robertval. Je vous donne les résultats pour les athlètes du Haut-du-Lac. D'abord, à noter que du côté du Haut-du-Lac, catégorie maître, Diane Saint-Gelais de Saint-Félicien a terminé avec un pointage de 515. Catégorie masculin, Gilles Saint-Gelais a fini avec 535. Également, à noter chez les seniors arc-à-poulie, Simon Saint-Gelais a fini avec un pointage de 564. Et arc-à-poulie masculin, Mathis Dufour de Saint-Félicien a terminé avec un pointage de 572. Les Saguenay de Chicoutimi vont jouer un match vendredi au Centre Georges Vézina contre les Huskies de Rouyn-Noranda. La mairesse José Néron a confirmé hier que le Centre Georges Vézina sera sécuritaire et il n'y aura aucun danger pour les gens qui vont se présenter au match. Le prix, par contre, pour rendre le Centre Georges Vézina plus aux normes, à monter, il sera plus que les 275 000 prévus initialement. Pour mener en terme les travaux, un ajout de 5 personnes a été ajouté au quart de travail. Il y a une trentaine d'employés qui ont participé au chantier. 32 plaques de renfort ont été rajoutées à la toiture également. La mairesse José Néron n'a pas exclu la possibilité de demander de l'aide du gouvernement du Québec pour payer une partie de la facture de ces travaux. Les Saguenayens pratiqueront jeudi et le patinage de vitesse sur contre-piste va recommencer l'entraînement samedi. Et l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini va tenir plutôt ce soir et demain leur inscription pour la prochaine année. Ça aura lieu entre 18h30 et 20h30 au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Le début des activités est prévu pour le 21 mai prochain ou encore le 28 mai prochain. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Gilles Moffett, le spécialiste des gardiens de but, où il nous parle de Carey Price. Également, vous pouvez écouter David Simard qui nous parle des résultats du patinage de vitesse sur contre-piste qui a eu lieu en fin de semaine. Et vous pouvez écouter aussi Guy Saint-Gelais qui nous parle de la Ligue de hockey junior régional et midget régional. On est en pleine série éliminatoire. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.